les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ces romans étaient moins des œuvres d'art que ces contes. Mais attention, pas les contes expurgés que l'on peut lire à l'école. Guy de Maupassant était l'homme du malaise. Tous ses personnages sont des monstres. Lui n'attaquait pas la société pour la détruire ou la refaire. Il n'avait pas la subversion pour but. Il dépeignait, c'est tout. Il pressentait, ne prophétisait jamais. Il osait tout. Il défendait le droit au suicide, attaquait l'organisation militaire plus violemment qu'aucun autre écrivain. Voici Anthologie française, avec de larges extraits de nouvelles, de contes de Maupassant, lus entre autres par Michel Bouquet. Surtout, ne pas manquer En wagon. Trois ados coulant des regards furtifs, fugitifs, sur ce qui se passe autour d'eux. Une histoire de choux, puisque à cette époque, les enfants naissaient dans les choux. Sauf qu'il n'y a pas de choux dans le wagon. Si, il y avait un chou, mais il n'y a que Monsieur l'abbé qui l'a vu. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 4 mars 1959. Anthologie française. La radiodiffusion télévision française présente Guy de Maupassant, une émission de Georges Charbonnier, avec Bernard Deyrand de la Comédie française, Pascal Mazzotti, Anne Carrère, Catherine Lecouet et Michel Bouquet. Assistant René Raymond, réalisation Georges Gravier. Guy de Maupassant est né en 1850 au château de Miroménil près de Dieppe. Il est mort en 1893, c'est-à-dire qu'il est le contemporain de Charles Cros, né en 1842, mort en 1888. Guy de Maupassant a vécu 43 ans, Charles Cros 46 ans. Il n'est pas inutile de comparer ces destins parallèles que tout paraît réunir et que tout sépare. En effet, les deux hommes permettent de séparer ce qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, annonce le XXe et ce qui, pendant la même période, caractérise le XIXe siècle. Humoriste, poète, physicien, pré-surréaliste, Charles Cros est homme du XXe siècle, mais ne nous dit rien sur son temps. Maupassant, apparemment dépourvu de culture scientifique, ni poète, ni humoriste au sens où nous l'entendons maintenant, nous dit la société du XIXe siècle. Peut-être la montre-t-il mieux que Balzac, mieux que Zola, et si l'on recherche dans la littérature mondiale une démarche susceptible d'éclairer celle de Maupassant, on ne peut guère évoquer que la démarche de Dostoïevski. Je veux dire que, en un sens, tous les héros de Maupassant sont aussi dépossédés. Mais la possession, l'état de possession chez Dostoïevski est un moyen de conscience. Parce qu'ils sont possédés, les héros de Dostoïevski sont insérés dans le monde. La possession leur confère le sens du divin, le sens de l'univers. La possession, avec ce que ce terme implique de violence, de fureur, de démesure, de combat, de dialectique entre le possédé et ce qui le possède, donc d'écartèlement de l'être, confère à l'individu le plus livré à l'état de possession les dimensions les plus reculées. La possession le fait homme dans le monde, et l'homme dans le monde ne peut être que possédé. On pourrait dire tout cela de Maupassant en changeant deux mots, en remplaçant monde par société et possession par coïncidence ou par occupation. Les êtres de Maupassant sont eux-mêmes, semblables à eux-mêmes, identiques à eux-mêmes, tels qu'ils se manifestent, non pas possédés, ce qui implique une dualité, mais occupé, ce qui implique à la fois l'unité et la capitulation. Aucune espèce de salut ne peut les éclairer. Il n'est pas dans toute la littérature française de monde plus clos que le monde de Maupassant, d'être plus isolé, plus monade que les personnages de Maupassant. Dostoïevski baigne ses personnages de sa propre conscience. Toute conscience est extérieure aux personnages de Maupassant. Tous sont des monstres, parce qu'ils sont eux-mêmes. Les braves sont braves, les lâches sont lâches, les avares sont avares. Tous sont inhumains parce que délimités. Si l'on est possédé, ce ne peut être que par un dieu, par l'homme. L'homme ne saurait être qu'occupé. Le monde de Maupassant n'est pas un monde dépeint ou peint, mais un monde sculpté. Un seul écrivain s'est proposé d'animer le musée Grévin, de sculpter des êtres vêtus, de fabriquer des monstres revêtus de vêtements et doués de comportements et de langage inutiles. Le monde de Maupassant n'est pas absurde, il est social, je veux dire de société. Il n'est pas absurde, on est tenté de dire qu'il est inutile. Il est terrifiant. Rien ne pourrait le conjurer. Si l'on arrachait leur monstruosité aux personnages de Maupassant, il ne resterait rien. Si l'on arrachait leur fureur aux possédés de Dostoïevski, peut-être se transformerait-il en âme délivrée. De toute façon, le problème de la liberté est le problème central dans l'œuvre de Dostoïevski. Le problème de la liberté ne se pose pas dans le monde de Maupassant. Il y est dépourvu de signification. Toute l'œuvre de Maupassant est une description de la monstruosité d'être. Non pas de la méchanceté d'être, mais de la monstruosité d'être. Parler de la psychologie des héros de Maupassant n'a pas de sens. Tous sont dépourvus d'images, de reflets, de doubles et de dualités. Parmi eux, un homme, mais faut-il dire un homme? Parmi eux se meut un homme triste qui ne trouve apaisement qu'à descendre ou remonter le cours de la Seine. Cet homme, c'est Maupassant. La seule présence dans tout Maupassant est la présence de la Seine. Précisons, de la Seine entre Paris et Le Havre. La Seine traverse le territoire de Maupassant qui va de Paris à la mer au travers de la campagne normande. Tout est rassemblé là, entre Paris et Le Havre, Dieppe, Fécamp, entre Paris et Trouville, Deauville. En dehors, rien. Quand Maupassant s'égare vers le midi, vers Cannes ou l'Afrique du Nord, peut-être est-ce pour vivre ? Mais s'il veut glisser dans son œuvre une parcelle de ses terres et des êtres qu'elle porte, son œuvre s'arrête aussitôt. Il ne reste que des textes en demi-teinte, faibles, dégradés. Sur la Seine, et sur la Seine seule, se déroule en méandre une nostalgie qui permet de voir les monstres, les hommes. À nous cinq, nous possédions un seul bateau, acheté à grand-peine, et sur lequel nous avons ri, comme nous ne rirons plus jamais. C'était une large yole, un peu lourde, mais solide, spacieuse et confortable. Je ne vous ferai point le portrait de mes camarades. Il y en avait un petit, très malin, surnommé Petit Bleu. Un grand, à l'air sauvage, avec des yeux gris et des cheveux noirs, surnommé Tomahawk. Un autre, spirituel et paresseux, surnommé La Toque. Le seul qui ne toucha jamais une rame sous prétexte qu'il ferait chavirer le bateau. Un mince, élégant, très soigné, surnommé N'a qu'un œil, en souvenir d'un roman alors récent de Cladel et parce qu'il portait un monocle. Enfin, moi, qu'on avait baptisé Joseph Prunier. Nous vivions en parfaite intelligence avec le seul regret de n'avoir pas une barreuse. Une femme, c'est indispensable dans un canot. Indispensable parce que ça tient l'esprit et le cœur en éveil, parce que ça anime, ça amuse, ça distrait, ça pimente. Et ça fait décor, avec une ombrelle rouge glissant sur les berges vertes. Mais il ne nous fallait pas une barreuse ordinaire, à nous cinq, qui ne ressemblions guère à tout le monde. Il nous fallait quelque chose d'imprévu, de drôle, de prêt à tout, de presque introuvable, enfin. Nous en avions essayé beaucoup sans succès, des filles de bar, pas des barreuses, canotières imbéciles qui préféraient toujours le petit vin qui grise à l'eau qui coule et qui porte les yoles. On les gardait un dimanche, puis on les congédiait avec dégoût. Or, voilà qu'un samedi soir, N'a qu'un œil nous amena une petite créature fluette, vive, sautillante, blagueuse et pleine de drôlerie, de cette drôlerie qui tient lieu d'esprit aux titis mâles et femelles éclos sur le pavé de Paris. Elle était gentille, pas jolie, une ébauche de femme où il y avait de tout, une de ces silhouettes que les dessinateurs crayonnent en trois traits sur une nappe de café après dîner, entre un verre d'eau de vie et une cigarette. La nature en fait quelquefois comme ça.

un cri parti de la grenouillère, v'là les bosses. Et tout à coup, ce fut une clameur furieuse, une bousculade effrayante eut lieu, les verres tombaient, on montait sur les tables, tous, dans un délire de bruit, vociféraient « Les bosses, les bosses, les bosses !» Le cri roulait, devenait indistinct, ne formait plus qu'une sorte de hurlement effroyable, puis soudain, il semblait s'élancer de nouveau, monter par l'espace, couvrir la plaine, emplir le feuillage épais des grands arbres, s'étendre au lointain coteau, aller jusqu'au soleil. La rameuse, devant cette ovation, s'était arrêtée, tranquillement. La grosse blonde, étendue au fond du canot, tourna la tête d'un air nonchalant, se soulevant sur les coudes. Et les deux belles filles, à l'arrière, se mirent à rire en saluant la foule. Alors la vocifération redoubla, faisant trembler l'établissement flottant. Les hommes levaient leurs chapeaux, les femmes agitaient leurs mouchoirs, et toutes les voix, aiguës ou graves, criaient ensemble « Lesbos ». On eût dit que ce peuple, ce ramassis de corps rompus, saluait un chef. Comme ces escadres qui tirent le canon quand un amiral passe sur leur front. La flotte nombreuse des barques acclamait aussi le canot des femmes qui repartit de son allure somnolente pour aborder un peu plus loin. Monsieur Paul, au contraire des autres, avait tiré une clé de sa poche. Et de toute sa force, il sifflait. Sa maîtresse, nerveuse, pâlie encore, lui tenait le bras pour le faire taire, et elle le regardait cette fois avec une rage dans les yeux. Mais lui semblait exaspéré, comme soulevé par une jalousie d'homme, par une fureur profonde, instinctive, désordonnée. Il balbutia les lèvres tremblantes d'indignation. « C'est honteux, on devrait les noyer comme des chiennes avec une pierre au cou. » Mais Madeleine brusquement s'emporta. Sa petite voix aigre devint sifflante, et elle parlait avec volubilité, comme pour plaider sa propre cause. « Est-ce que ça te regarde, toi? Sont-elles pas libres de faire ce qu'elles veulent ? Puisqu'elles ne doivent rien à personne, fiche-nous la paix avec tes manières et mêle-toi de tes affaires. » Mais il lui coupa la parole. « C'est la police que ça regarde et je les ferai flanquer à Saint-Lazare, moi !» Elle eut un soubresaut. « Toi ? Oui, moi. Et en attendant, je te défends de leur parler. Tu entends ? Je te le défends !» Alors, elle haussa les épaules et calmée tout à coup. « Mon petit, je ferai ce qui me plaira. Si tu n'es pas content, file. Et tout de suite. Je ne suis pas ta femme, n'est-ce pas ? Alors tais-toi. » Il ne répondit pas et ils restèrent face à face avec la bouche crispée et la respiration rapide. À l'autre bout du grand café de bois, les quatre femmes faisaient leur entrée. Les deux, costumées en hommes, marchaient devant. L'une maigre, pareille à un garçonnet vieillot, avec des teintes jaunes sur les tempes, l'autre, emplissant de sa graisse ses vêtements de flanelle blanche, bombant de sa croupe le large pantalon, se balançant comme une oie grasse, ayant les cuisses énormes et les genoux rentrés. Les deux amies les suivaient, et la foule des canotiers venait leur serrer la main. Elles avaient loué toutes les quatre un petit chalet au bord de l'eau, et elles vivaient là, comme auraient vécu de ménage. Leur vie, c'était publique, officielle, pas tant. On en parlait comme d'une chose naturelle qui les rendait presque sympathiques. Et l'on chuchotait tout bas des histoires étranges, des drames nés de furieuses jalousies féminines, et des visites secrètes de femmes connues, d'actrices, à la petite maison du bord de l'eau. Un voisin, révolté par ces bruits scandaleux, avait prévenu la gendarmerie, et le brigadier, suivi d'un homme, était venu faire une enquête. La mission était délicate, on ne pouvait en somme rien reprocher à ces femmes qui ne se livraient point à la prostitution. Le brigadier, fort perplexe, ignorant même à peu près la nature des délits soupçonnés, avait interrogé à l'aventure et fait un rapport monumental concluant à l'innocence. On en avait ri jusqu'à Saint-Germain. Elles traversaient à petits pas, comme des reines, l'établissement de la grenouillère, et elles semblaient fières de leur célébrité. Heureuse des regards fixés sur elle, supérieure à cette foule, à cette tourbe, à cette plèbe. Madeleine et son amant les regardaient venir, et dans l'œil de la fille, une flamme s'allumait. Lorsque les deux premières furent au bout de la table, Madeleine cria « Pauline !» La grosse se retourna, s'arrêta, tenant toujours le bras de son moussaillon femelle. « Tiens, Madeleine, viens donc me parler, ma chérie !» Paul crispa ses doigts sur le poignet de sa maîtresse. Mais elle lui dit d'un tel air, « Tu sais, mon petit, tu peux filer. » qu'il se tut et resta seul. Alors elles causèrent tout bas, debout, toutes les trois. Des gaietés heureuses passaient sur leurs lèvres. Elles parlaient vite. Et Pauline, par instant, regardait Paul à la dérobée avec un sourire narquois et méchant. À la fin, n'y tenant plus, il se leva soudain et fut près d'elle d'un élan, tremblant de tous ses membres. Il saisit Madeleine par les épaules. « Viens, je le veux, dit-il. Je t'ai défendu de parler à ces gueuses. » Mais Pauline éleva la voix et se mit à l'engueuler avec son répertoire de poissarde. On riait alentour, on s'approchait, on se haussait sur le bout des pieds afin de mieux voir. Et lui restait interdit sous cette pluie d'injures fangeuses.

Son discours fut interrompu par un profond soupir que poussa leur voisine. Il tourna la tête vers elle. Elle demeurait assise dans son coin, les yeux fixes, les joues un peu pâles. L'abbé revint à ses disciples. Le train roulait à toute vitesse, traversait des plaines, des bois, passait sous des ponts et sur des ponts, secouait de sa trépidation frémissante le chapelet de voyageurs enfermés dans les wagons. Gontran de Volacelle, maintenant, interrogeait l'abbé Lecuir sur Roya, sur les amusements du pays. Y avait-il une rivière? Pouvait-on pêcher? Aurait-il un cheval comme l'autre année? Etc. La jeune femme, tout à coup, jeta une sorte de cri, un « Ah !» de souffrance, vite réprimée. Le prêtre, inquiet, lui demanda « Vous sentez-vous indisposé, madame ?» Elle répondit « Non, non, monsieur l'abbé, ce n'est rien, une légère douleur, ce n'est rien. Je suis un peu malade depuis quelque temps. » Et le mouvement du train me fatigue. Sa figure était devenue livide, en effet. Il insista « Si je puis quelque chose pour vous, madame ?»« Oh non, non, rien du tout, monsieur l'abbé. Je vous remercie. » Le prêtre reprit sa causerie avec ses élèves, les préparant à son enseignement et à sa direction. Les heures passaient. Le convoi s'arrêtait de temps en temps, puis repartait. La jeune femme, maintenant, paraissait dormir, et elle ne bougeait plus, enfoncée en son coin. Bien que le jour fût plus qu'à moitié écoulé, elle n'avait encore rien mangé. L'abbé pensait « Cette personne doit être bien souffrante. » Il ne restait plus que 2 heures de route pour atteindre Clermont-Ferrand, quand la voyageuse se mit brusquement à gémir. Elle s'était laissée presque tomber de sa banquette et appuyée sur les mains, les yeux hagards, les traits crispés, elle répétait « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» L'abbé s'élança « Madame, madame, madame, qu'avez-vous » Elle balbutia « Je crois que je vais accoucher. » Et elle commença aussitôt à crier d'une effroyable façon. Elle poussait une longue clameur affolée qui semblait déchirer sa gorge au passage. Une clameur aiguë, affreuse, dont l'intonation sinistre disait l'angoisse de son âme et la torture de son corps. Le pauvre prêtre, éperdu debout devant elle, ne savait que faire, que dire, que tenter. Et il murmurait « Mon Dieu, si je savais, mon Dieu, si je savais !» Il était rouge jusqu'au blanc des yeux et ses 3 élèves regardaient avec stupeur cette femme étendue qui criait. Tout à coup, elle se tordit. Élevant les bras sur sa tête et son flanc eut une secousse étrange, une convulsion qui l'a parcourue. L'abbé pensa qu'elle allait mourir, mourir devant lui, privée de secours et de soins par sa faute. Alors il dit d'une voix résolue, « Je vais vous aider, madame. Je ne sais pas, mais je vous aiderai comme je pourrai. Je dois mon assistance à toute créature qui souffre. » Puis, s'étant retourné vers les 3 gamins, il cria, « Vous allez passer vos têtes à la portière, hein ? Et si l'un de vous se retourne, il me copiera 1000 vers de Virgile. » Il abaissa lui-même les 3 glaces, y plaça les 3 têtes, ramena contre le cou les rideaux bleus, et il répéta, « Si vous faites seulement un mouvement, vous serez privé d'excursion pendant toutes les vacances. Et n'oubliez point que je ne pardonne jamais, moi. » Et il revint vers la jeune femme, en relevant les manches de sa soutane. Elle gémissait toujours et par moments hurlait. L'abbé, la face cramoisie, l'assistait, l'exhortait, la réconfortait, et sans cesse, il levait les yeux vers les 3 gamins qui coulaient des regards furtifs, vite détournés vers la mystérieuse besogne accomplie par leur nouveau précepteur. « Monsieur de Volacelle, vous me copierez 20 fois le verbe désobéir » cria-t-il. « Monsieur de Bridois, vous serez privé de dessert pendant 1 mois !» Soudain, la jeune femme cessa sa plainte persistante, et presque aussitôt un cri bizarre et léger, qui ressemblait à un aboiement ou à un miaulement, fit retourner d'un seul élan les 3 collégiens persuadés qu'ils venaient d'entendre un chien nouveau-né. L'abbé tenait dans ses mains un petit enfant tout nu. Il le regardait avec des yeux effarés. Il semblait content et désolé, prêt à rire et prêt à pleurer. On l'aurait cru fou, tant sa figure exprimait de choses par le jeu rapide des yeux, des lèvres et des joues. Il déclara, comme s'il eût annoncé à ses élèves une grande nouvelle, « C'est un garçon. » Puis, aussitôt, il reprit, « Monsieur Tsarkaïn, passez-moi la bouteille d'eau qui est dans le filet. »« Bien, débouchez-la. »« Très bien. Versez-moi quelques gouttes dans la main. »« Seulement quelques gouttes. »« Parfait. » Et il répandit cette eau sur le front nu du petit être qu'il portait en prononçant, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Le train entrait en gare de Clermont. La figure de Madame Bridois apparut à la portière. Alors l'abbé, perdant la tête, lui présenta la frêle bête humaine qu'il venait de cueillir en murmurant « C'est madame qui vient d'avoir un tout petit accident en route. » Il avait l'air d'avoir ramassé cet enfant dans un égout. Et les cheveux mouillés de sueur, le rabat sur l'épaule, la robe maculée, il répétait « Ils n'ont rien vu, rien du tout. J'en réponds. » Il regardait tout droit par la portière. « J'en réponds. Ils n'ont rien vu. » Et il descendit du compartiment avec 4 garçons au lieu de 3 qu'il était allé chercher, tandis que mesdames de Bridois, de Volacelle et de Sarcagne, livides, échangeaient des regards éperdus sans trouver un seul mot à dire. Le soir, les 3 familles dînaient ensemble pour fêter l'arrivée des collégiens. Mais on ne parlait guère. Les pères, les mères et les enfants eux-mêmes semblaient préoccupés. Tout à coup, le plus jeune, Roland de Bridois, demanda « Ni maman, où l'abbé l'a-t-il trouvé, ce petit garçon ?» La mère ne répondit pas directement. « Allons, dîne et laisse-nous tranquille avec tes questions. » Il se tut quelques minutes, puis reprit. Il n'y avait personne que cette dame qui avait mal au ventre. C'est donc que l'abbé est prestidigitateur, comme Robert Houdin, qui fait venir un bocal de poisson sous un tapis. Tais-toi, voyons ! C'est le bon Dieu qui l'a envoyé. Mais où l'avait-il mis, le bon Dieu ? Je n'ai rien vu, moi. Est-il entré par la portière ? Dit Madame de Brigoin, impatientée, répliqua. Voyons, c'est fini, tais-toi ! Il est venu sous un chou, comme tous les petits-enfants. Tu le sais bien. Mais il n'y avait pas de chou dans le wagon. Alors Gontran de Vaulacelle, qui écoutait avec un air sournois, sourit et dit « Si, il y avait un chou. » Mais il n'y a que M. Curé qui l'a vu. Maupassant va bien plus loin. Et si l'on veut parler de Maupassant, on ne saurait le faire qu'en présentant de l'auteur les points extrêmes, qu'en renonçant à citer les contes que tous connaissent, ceux qui nourrissent les horribles morceaux choisis. Ces contes admirables, nous les avons tous lus, ce sont Boule de Suif, Le Rosier de Madame Husson, L'Héritage, Le Petit Fût, que, expurgés, on lit à l'école, au lycée. Mais c'est trahir Maupassant. Maupassant est l'homme des contes du malaise, où cet homme de 57 ans se tue parce qu'il a retrouvé une lettre qu'il écrivait à sa mère lorsqu'il avait 7 ans, où ce président de cour d'assises, las de condamner à mort et de tuer par procuration, se met à tuer de ses mains, impunément, parce qu'il est insoupçonnable, où cet ivrogne qui a vendu son chien, et le chien est mort, vend la servante qu'il a engrossée, et la servante meurt, où l'auteur lui-même qui errait sur les bords de la Seine rêve qu'il découvre l'œuvre de la mort volontaire, où l'on donne la mort douce à ceux qui veulent mourir, où cet homme divorce qui négligeait sa femme pour aimer ses fleurs, où celui qui se regarde dans un miroir ne voit qu'un brouillard à la place de son image. Il y a des centaines de contes, des centaines où l'on trouve Maupassant. Pourquoi ne le montre-t-on pas ? Car l'homme des romans, l'auteur d'une vie de Pierre et Jean, de Notre Cœur, de Montoriol, existe. Mais ce sont là des romans, moins œuvres d'art que les contes d'ailleurs, et moins Maupassant. En outre, les romans de Maupassant se prêtent très mal à la fragmentation, et tout extrait se trouve affadi. Le Maupassant des contes, au contraire, montre l'homme et l'œuvre tout entière. Et s'il faut concéder aux habitudes, alors montrons Maupassant, homme du XIXe siècle, Maupassant, vieux théâtre. Vers le milieu du dîner, Henriette était grise, tout à fait grise, et Paul, en gaieté, lui pressait le genou de toute sa force. Elle bavardait maintenant, hardie, les joues rouges, le regard vif et noyé. Oh, voyons, Paul, confesse-toi. Hein? Tu sais, je voudrais tout savoir. Quoi donc, ma chérie ? Je n'ose pas te dire. Dis toujours. As-tu eu des maîtresses ? Beaucoup avant moi ? Il hésitait, un peu perplexe, ne sachant s'il devait cacher ses bonnes fortunes ou s'en vanter. Oh, je t'en prie, dis-moi. En as-tu eu beaucoup ? Quelques-unes. Combien ? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'on sait ces choses-là ? Tu ne les as pas comptées ? Mais non. Oh. Alors, tu en as eu beaucoup. Mais oui. Combien à peu près ? Seulement à peu près. Mais je ne sais pas du tout, ma chérie. Il y a des années où j'en ai eu beaucoup et des années où j'en ai eu bien moins. Combien par an, dis ? Tantôt 20 ou 30, tantôt 4 ou 5 seulement. Oh, ça fait plus de 100 femmes en tout ? Mais oui, à peu près. Oh, c'est dégoûtant. Dis donc, tes maîtresses, c'était des filles toutes les 100 ? Mais non. Mais qu'est-ce que c'était alors ? Des actrices, des petites ouvrières et quelques femmes du monde. Combien de femmes du monde ? 6. Seulement 6 ? Oui. Elles étaient jolies ? Mais oui. Plus jolies que les filles ? Mais non. Laquelle est-ce que tu préférais ? Des filles ou des femmes du monde ? Les filles. Oh, tu es sale. Pourquoi ça ? Parce que je n'aime guère les talents d'amateur. Oh, l'horreur. Tu es abominable, sais-tu ? Dis-donc, et ça t'amusait de passer comme ça de l'une à l'autre ? Mais oui. Beaucoup ? Beaucoup. Qu'est-ce qui t'amusait ? Est-ce qu'elles ne se ressemblent pas ? Mais non. Ah, les femmes ne se ressemblent pas ? Mais pas du tout. En rien ? En rien. Oh, que c'est drôle. Qu'est-ce qu'elles ont de différent ? Mais tout. Le corps ? Mais oui, le corps. Le corps tout entier ? Oui, le corps tout entier. Et quoi encore ? La manière d'embrasser, de parler, de dire les moindres choses. Et c'est très amusant de changer. Mais oui. Et les hommes aussi sont différents ? Ah, ça je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Mais non. Ils doivent être différents. Oui, oh, sans doute. Oh, mon chéri, comme je t'aime. Ça doit être amusant tout de même.